Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Troisième émission. Monsieur le procureur général, quel témoin voulez-vous appeler ? Monsieur Léon Blum. Vendredi 27 juillet 1945. Cinquième audience. L'audience est ouverte à 13h20. La salle est aussi encombrée que les jours précédents. Chaleur d'étuve. Pétain, toujours silencieux. Léon Blum, né à Paris le 9 avril 1872. Journaliste, domicile actuel 17 rue de Girard. Voulez-vous faire votre déposition ? Que savez-vous des faits reprochés au maréchal Pétain ? J'ai très peu approché le maréchal Pétain pendant le courant de ma vie politique. Avant le 6 février 1934, je l'ignorais presque. Je l'ai rencontré quelques fois dans les couloirs de la chambre et dans la salle des séances. Je ne sais pas trop si nous avons échangé une parole. Quand je suis devenu président du Conseil, il m'est arrivé d'assister à des commissions dont il faisait partie. Il y prenait peu de part et sortait rarement de son mutisme. Au moment de l'enquête de la police sur la cagoule, je n'ai pas le souvenir que mon ministre de l'Intérieur et ami, Marx Dormoy, assassiné depuis, n'ait jamais cité son nom. Un peu plus haut, s'il vous plaît. Je parlerai de plus en plus haut, tout naturellement. Venons-en aux journées de Bordeaux. L'ancien leader du Front populaire raconte l'exode, le temps de la débâcle, Paris abandonné à l'ennemi, le général Végan qui disait qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il n'y avait plus de possibilité de résistance, qu'il n'y avait plus d'armée, plus rien. Il fait le récit de l'abdication du Parlement à Vichy. Il se souvient de ses larmes refoulées. Quant à la gare de Toulouse, il découvre dans la dépêche de Toulouse les conditions de l'armistice. Puis, arrivé à Vichy le 4 juillet, il apprend que Laval a interdit la publication de son journal, Le Populaire. Il y attend la convocation de l'Assemblée nationale pour les deux journées du 9 et 10 juillet 1940. Cela aussi, c'est un spectacle qu'il est difficile d'évoquer sans un certain frémissement. J'ai vu là, pendant deux jours, des hommes s'altérer, se corrompre, comme à vue d'œil, comme si on les avait plongés dans un bain toxique. Ce qui agissait, c'était la peur. La peur des bandes de Doriot dans la rue, la peur des soldats de Végan à Clermont-Ferrand, la peur des Allemands qui étaient à Moulins. C'était vraiment un marécage humain dans lequel on voyait, je le répète, à vue d'œil, se dissoudre, se corroder, disparaître tout ce qu'on avait connu à certains hommes de courage et de droiture. J'ai quitté Vichy, je suis rentré à la maison de campagne que j'habitais. C'est là que j'ai été arrêté le 15 septembre pour être transféré dans la maison de Chazeron, transformée en maison d'arrêt spécial. Depuis lors est intervenue ma condamnation à la détention perpétuelle, prononcée par le maréchal Pétain, en vertu des pouvoirs judiciaires qu'il s'était attribués à lui-même, sans que j'aie été entendu non plus que mes compagnons, sans que nous ayons pu présenter quoi que ce soit qui ressemblât à une défense sur l'avis d'un conseil politique qui avait siégé quelques heures et qui n'avait même pas eu le temps de lire le réquisitoire du procureur général dressé contre nous. La peine a été prononcée, elle a été exécutée. Et c'est de cette prison que j'ai été extrait pour être jugé à Rion par cette cour suprême de justice, sous les mêmes qualifications pénales, sous les mêmes inculpations, en raison des mêmes faits qui avaient déjà fait l'objet de notre condamnation définitive prononcée par le maréchal Pétain. Le procès de Riom a été interrompu dans les conditions que vous savez. En novembre, le château de Bourassol, où nous étions gardés, est passé sous le contrôle de la Gestapo. À la fin du mois de mars, nous avons été transférés en Allemagne. Je voudrais ajouter un mot. Bien qu'il m'en coûte de ne pas être d'accord avec mon compagnon et ami Édouard Daladier, mais je ne puis m'associer à l'hommage qu'il a rendu ici au juge de Riom. S'ils avaient inscrit dans leur arrêt que la France était seule responsable de la guerre, que c'était une poignée de méchants bellicistes français qui auraient entraîné l'Europe dans la guerre, malgré les efforts d'Hitler et de Mussolini pour préserver la paix, ces juges auraient menti et trahi. Je ne peux tout de même pas les louer de ne pas avoir été des traîtres. Et je suis sûr que si ce procès était allé jusqu'au bout, ils nous auraient condamnés. Quant au serment qu'ils ont prêté au maréchal Pétain, je ne considère pas que ce soit une formalité dérisoire. Je ne trouve pas, moi, qu'il aurait été ridicule de le refuser. Maintenant, parlons des exceptions du mot trahison. Trahir, cela veut dire livrer. Il y avait un pays que j'ai vu, que vous avez tous vu. Un pays qui, sous le coup de sa défaite et de ce qu'elle avait de brutal, de démesuré, d'incompréhensible, restait comme stupide et abasourdi sous le coup, qui restait dans l'état de commotion où les bombardements mettaient certains grands nerveux et qui n'a pas encore retrouvé complètement, si j'en juge bien, sa capacité de réaction physique. Ce peuple, il était là, atterré, immobile. Et en effet, se laisser tomber à terre dans sa stupeur et dans son désespoir. Et on a dit à ce pays, eh bien non, non, l'armistice que nous te proposons, qui te dégrade et qui te livre, ce n'est pas un acte déshonorant, c'est un acte naturel. C'est un acte conforme à l'intérêt de la patrie. Et un peuple qui n'en connaissait pas les termes et qui ne l'avait pas lu, qui ne le comprenait pas, qui n'en a saisi la portée peu à peu qu'à l'épreuve, a cru ce qu'on lui disait parce que l'homme qui lui tenait ce langage parlait au nom de son passé de vainqueur, au nom de la gloire et de la victoire, au nom de l'armée, au nom de l'honneur. Eh bien, cela qui, pour moi, est l'essentiel, cette espèce d'énorme abus de confiance morale, cela, oui, je le pense, c'est la trahison. À ce point de la déposition de Léon Blum, un juré pose une question. Est-ce seulement les mesures militaires prises le 10 juillet qui ont permis ce vote de l'Assemblée, ou est-ce que vous pensez qu'il y a également d'autres éléments qui ont joué dans ce vote ? J'ai dit que le vote du 10 juillet avait été un vote obtenu sous la triple pression des bandes de Doriot dans les rues de Vichy, où elles étaient maîtresses. Et je vois encore Doriot s'approchant de moi et de Marx Dormois qui était à mon côté, et j'entends encore ces paroles de menace vis-à-vis de Dormois. Donc, d'une part, les bandes de Doriot dans la rue, d'autre part, Végan à Clermont-Ferrand, et je le répète, les Allemands à Moulins, à 50 km de Vichy. Et le bruit que l'on faisait courir, le bruit qui circulait, c'est ceux qui ne voteront pas ne coucheront pas dans leur lit ce soir. Et à la vérité, il n'y a pas un des hommes qui a voté contre à Vichy qui, en son fort intérieur, fut assuré de sortir libre. J'ai une seule question à poser à Monsieur le Président Léon Blum. Monsieur le Président Léon Blum a parlé tout à l'heure du cerveau. Je répète que je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que moi, je ne l'ai pas pris. Je demande à Monsieur Léon Blum ce qu'il pense de la validité d'un serment imposé sous l'œil de l'ennemi, je puis dire sous la contrainte de l'ennemi. J'en demande pardon à la cour, mais j'irai jusqu'au bout de ma pensée. Il aurait mieux valu qu'en France, le cours de la justice fût interrompu, plutôt que de voir, comme on l'a vu dans certains cas, la justice rendue au profit de l'ennemi. Connaissant Laval, comme vous avez dit vous-même que vous le connaissiez depuis longtemps, et connaissant le maréchal, croyez-vous que le maréchal ait exercé de l'influence sur Laval, ou que ce soit Laval qui ait exercé une influence sur le maréchal? Vous me direz que c'est une hypothèse. Maître Payen, c'est une question bien dangereuse que vous me posez. Je connais Laval, en effet, mais je ne connais pas le maréchal. Oui, il y a en lui un mystère que je ne peux pas pénétrer. Oui, je ne peux pas m'expliquer à moi-même d'une façon satisfaisante quels ont été les mobiles vrais de ces actes. A-t-il agi par ambition? C'est possible. Mais vous m'obligez ici à entrer sur un terrain où je n'aurais pas voulu pénétrer. Y a-t-il eu chez lui ce dessein prémédité dans le désastre de la patrie de trouver une occasion de pouvoir personnel que peut-être depuis 6 ans il avait attendu? Je ne veux pas l'affirmer puisque je ne le sais pas. Mais je n'ai pas le droit d'écarter cette hypothèse puisque vous me contraignez à la formuler. Vous avez le droit, évidemment, de formuler toutes les hypothèses, surtout en soulignant que c'est une hypothèse. Certes. Monsieur le Président, vous avez déclaré que le maréchal avait fait illusion. Ne pensez-vous pas que lorsqu'une illusion dure de 1914 à 1939, cette illusion peut receler tout de même un certain nombre de réalités? C'est une question de psychologie générale que vous me posez. Je crois que l'on peut se méprendre très longtemps sur la réalité d'un homme. Et je pense aussi qu'il arrive que les hommes changent. Que chez les hommes, l'équilibre des mobiles et des passions se déplace. Et je pense aussi que les hommes peuvent changer lorsqu'au sortir d'une vie de devoirs quotidiens, d'astreinte et de discipline, il se trouve engagé dans des activités et dans des préoccupations nouvelles. Je vous donne cette consultation volontiers. Je pose la question au maréchal Pétain. Est-ce qu'il a une observation à faire? Est-ce qu'il a des questions à poser aux témoins? Signe négatif du maréchal Pétain. C'est le froid silence. L'audience est levée. Samedi 28 juillet 1945. La 6e audience s'ouvre à 13h20 par l'audition de Michel Clémenceau, fils de Georges Clémenceau. Il a admiré le maréchal pour certaines raisons. Ces raisons ayant disparu, il avait interdit en 1940 au maréchal d'utiliser le nom de son père. Ami de Georges Mandel, il était allé lui rendre visite au fort du Portalet, près d'Urdos, où il avait été interné avec Paul Reynaud sur ordre du maréchal Pétain. Leurs conditions de détention étaient sinistres. Alors il se rendit à Vichy pour demander au maréchal Pétain d'adoucir le traitement qui leur était infligé. En vain. Et malheureusement, expliquera Michel Clémenceau, ils seront livrés par le maréchal Pétain aux Allemands. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Clémenceau dire qu'il avait indiqué que le maréchal Pétain avait livré Mandel et Paul Reynaud aux Allemands. Le maréchal, qui n'entend pas, a fait un signe de protestation qui indiquait nettement qu'il entendait parfaitement. Et puisqu'il a entendu cette question et qu'il a protesté, je serais désireux de savoir ce qu'il a à dire sur cette livraison de Mandel et de Paul Reynaud. Accusé. Monsieur le bâtonnier, voulez-vous transmettre la question à votre client ? Il voudrait savoir pourquoi vous avez protesté tout à l'heure lorsqu'on a parlé de Georges Mandel et de Paul Reynaud. Je n'ai pas l'intention de répondre. Je ne peux pas répondre à une question que je ne comprends pas. La question n'est pas d'une intelligence telle, me semble-t-il. Elle n'est pas difficile. Ces incidents répétés sont inutiles, puisque le maréchal a décidé qu'il ne répondrait pas, ayant suffisamment répondu à l'instruction. Il me semble que le maréchal a écrit une lettre pour protester. Pour protester contre quoi ? Contre la livraison de Mandel et Reynaud aux Allemands. Vous serez peut-être étonné de savoir que c'est moi qui ai provoqué la rédaction de cette lettre après celle que j'avais moi-même adressée au maréchal auparavant. Le témoin lit la lettre qu'il a adressée au maréchal au nom du nom qu'il porte pour empêcher la livraison des prisonniers aux Allemands. Nous, ce que nous voudrions avoir, c'est une réponse du maréchal. Il n'y a jamais eu de réponse du maréchal. Vous n'avez pas reçu de réponse, mais le maréchal a écrit une lettre, le 24 novembre, à Abetz. Lettre conçue dans des termes extrêmement énergiques. C'est dommage qu'elle n'ait pas été publiée. J'ai répondu à la question. La question ne vous était pas posée. Elle est posée à votre client. Si votre client ne répond pas, je prendrai acte que votre client n'a pas répondu. Voulez-vous me permettre de vous rappeler que, selon l'article 309 du Code d'instruction criminelle, violé à plusieurs reprises ces jours-ci, l'accusé ou son conseil pourra questionner le témoin par l'organe du président et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à sa défense. Par conséquent, au moment où on vient de nous interroger en nous demandant ce que le maréchal avait fait en réponse à la lettre que M. Clémenceau nous a lue, il est absolument normal que nous répondions en citant la lettre qui a été écrite précisément en réponse. Je ne crois pas prendre un ton passionné en disant ce que je viens de vous dire. Je me borne, dans l'intérêt de la lumière et de la manifestation de la vérité, que votre client se décida à rompre son mutisme. Jusqu'au bout de ces débats, je lui demanderai de parler. C'est dans son intérêt. Permettez-nous d'être juge de son intérêt plutôt que vous. Je voudrais, M. Clémenceau, vous rappeler un souvenir. Votre conversation avec le maréchal Pétain est ancienne. Elle date de 3 ans bientôt, n'est-ce pas ? Oui, de 1942. Lors de l'instruction, vous avez fait une première déclaration dans laquelle vous avez attribué au maréchal Pétain ce propos. Vous vous battrez tant que vous pourrez maintenir vos liaisons, après quoi je demanderai l'armistice. Oui, mais en descendant l'escalier, je me suis rendu compte que j'avais commis une erreur. Je suis remonté et on a raturé et remplacé par « j'imposerai l'armistice ». Voulez-vous me permettre une question ? Vous avez raturé le mot « demanderai » en marge, mais vous avez oublié que vous l'aviez utilisé 2 fois, et vous avez oublié de le rectifier. Le procès-verbal a été raturé, gratté, sans que votre signature approuve cette rature. Vous en souvient-il ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai juré de dire la vérité sous la foi du serment et en disant que le maréchal a dit « J'imposerai l'armistice », c'est exactement la vérité, j'insiste. Messieurs, je crois que par la déposition de Monsieur Clémenceau, l'accusation a surtout voulu retenir non pas tant ses propos, mais le fait que son illustre nom venant ici en accusation... Mais je ne crois dans pas... Dans sa condition, Monsieur Clémenceau, vous souvient-il que votre père a écrit cet éloge dont je vous lis un extrait ? Pétain avait des jours éclatants et des jours d'équilibre. En de mauvaises rencontres, je l'ai trouvé d'héroïsme tranquille, c'est-à-dire maître de lui-même, peut-être sans illusion, mais sans récrimination. Il était toujours prêt au sacrifice personnel. On lui a beaucoup reproché les propos pessimistes de son état-major. La vérité est, je crois, que le pire ne lui faisait pas peur et qu'il l'envisageait sans effort, dans une inébranlable sérénité. Si mon père était encore monsieur de ce monde, il serait le premier à se frapper la poitrine en disant « mea culpa ». Car c'est lui qui l'a élevé à la dignité de maréchal. Je vous jure qu'à l'heure actuelle, il le regretterait. Il ne faut jamais faire parler les morts. C'est vous qui l'avez fait parler d'abord. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Troisième émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Le Dunbach. Maître Isorni, Laurent Cléry. Léon Blum, Bruno Raffaelli. Michel Clémenceau, Jean-Gabriel Nordman. Un juré, Jean Ocotrel. Un juré, Nicolas Racca. Narration, Hélène Losseur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.